écoutez Arc-en-Ciel, il est 15h. Arc-en-Ciel. Permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. Un Big Mac. Trop de beurre sur ton pain, c'est pas bien du tout. Les choux de Bruxelles aux vacherins, là, t'as vraiment pas de goût. Si elle est trop jeune et que t'es trop vieux, c'est pas permis. Le gras du jambon dans le jambon, pas permis. Les yeux de la couenne dans le bouillon, c'est pas bien du tout. Manger la peau du saumon, là, faut vraiment être fou. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. Le saucisson, la tartiflette, le camembert. Le rouge, le blanc, la bière. Enfoncer son doigt dans un pudding. Tremper deux fois ton brocoli dans la trempette. Faire l'amour en gardant tes chaussettes. Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. Faire un finger à un taxi. Les doigts dans le nez, dans le clafoutis. Lui dire au revoir dès que t'as joui. Casser la gueule à tous les plus petits. Regarder les fesses de la blonde de ton meilleur ami. Un bain de soleil avec pas de burkini. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Ça fait du bien, hein. Regardez passer les lolos sur la plage. Regardez passer les moules aussi d'ailleurs. Faire de la moto sans son casque. Faire du porno sans mettre un masque. Péter au lit dans le lit de la meilleure amie de ta petite amie. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Tout ce qui est bon n'est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Of course. Qu'il a versé des larmes, qu'il a mis ses regrets et déposé ses armes. Il rêvait de voyages et de lointains pays. Il vécut de mirages et de mélancolie aux premières amours. C'est sur la face B qu'il cachait son chagrin, comme on garde un secret dans le creux de sa main. Confidentiellement, il chantait à mi-voix ses émerveillements, ses doutes et ses effrois. Dites-moi, monsieur Henri, c'est comment le paradis? Est-ce que le bon Dieu là-haut a le rythme dans la peau? Sur la face B qu'il a mis tout son cœur, qu'il pouvait murmurer comme un ancien crooner. Auprès de lui on fait un peu plus que son âge. Syracuse et Dimée console du naufrage. Ce qui me plaît à 85 ans, on met du temps, je sais, pour devenir enfant. Dites-moi, monsieur Henri, c'est comment le paradis? Est-ce que le bon Dieu l'a? Demain, je serai déjà loin. Là-bas, sur de nouveaux chemins, l'hiver percera mes chagrins. Et les vagues au matin chanteront ce refrain. Tout ce que tu m'as laissé me fera avancer. Tout ce que tu m'as rimé me fera chanter. In the dark, was it hell or high water that broke our hearts? Was it something I said, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water, and is it too late? Oh, is it too late? Searching for someone to show me how it feels to be loved and how to love somebody back. And after stumbling through the years, I thought I found you just to see you fading out into the night. Was it a trick of the light or shot in the dark? Was it hell or high water that broke our hearts? Was it something you said, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water, and is it too late? See, all my life I've been silently reaching for a hand to hold, to warm the cold, a spark of light to guide me through all right. After stumbling through the years, I thought I found you just to see you fading out into the night. Was it a trick of the light, or a shot in the dark? Was it hell or high water that broke our hearts? Was it something we did, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water? Is it too late? Hey, hey, hey, hey, hey. Is it really game over? Is it really checkmate? Is it hell or high water? And is it too late? Oh, is it too late? Is it a trick of the light, or a shot in the dark? Was it hell or high water that broke our heart? Arc-en-ciel, tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-ciel. J'écoute de la musique sous, à rouler par terre. Dans un nightclub ou des boules, le funky d'enfer. Toute seule, si quelqu'un me l'a volé. Toute seule, que les sorties soient fermées. Toute seule, il m'a laissé toute seule. La sacrée houle, on voit plus la terre. Cool musique, bateau qui coule, soleil laser. Toute seule, donne à ce vent moi aussi. Toute seule, Marvin Gaye, je suis triste ici. Toute seule, il m'a laissé toute seule. Toute seule, il m'a laissé toute seule. Sol. Faut que je me trouve un homme, un crack chinois, mongol, prince du pétrole, le roi du bonbon montage. De la musique sous, à rouler par terre, ou dans un nightclub ou des boules, un funky d'enfer. Toute seule, arrêtez-vous de danser. Toute seule, j'ai perdu mon fiancé. Toute seule, il m'a laissé toute seule. Toute seule, il m'a laissé toute seule. Les scarabées d'or attaquent, tout est foutu au sol. Faut que je me trouve un homme, un crâne chinois, mongol, prince du pétrole, le roi du bonbon mental. J'écoute de la musique sous, à rouler par terre. Dans un nightclub ou des boules, un funky, funky, funky, funky, funky d'enfer. Oh, funky, funky, funky, funky, funky d'enfer. Oh, j'écoute de la musique sous. J'écoute de la musique soul, à rouler par terre. Oh, hey, funky, funky, funky. J'écoute de la musique soul. La musique, musique, musique, soul. Amour et partir. Funky, funky, funky. Funky, funky. Oh, j'écoute de la musique, soul. La Plagne, le 2 février 2020. Mont Blanc dans la neige, celui que tu m'avais offert. Tu n'imagines pas, Nadège, sur le coup ce que j'ai souffert. J'ai perdu le Mont Blanc dans la neige, en slalomant du haut d'un pic. Et maintenant, sacrilège, je t'écris à la pointe pique. Ce n'est pas le premier que je paume, mais celui-là, j'y tenais tant. Je le réchauffais dans mes paumes, le suçotais entre mes dents. J'ai perdu le Mont Blanc dans la neige, il avait dû coûter bonbon. L'ai-je perdu au télésiège quand je l'ai enfourché d'un pont? Tous mes beaux projets se désagrègent. Je comptais sur ces sports d'hiver pour te pondre un grand truc, Nadège. Un vrai hit, un CD d'enfer. Le succès me fuit d'habitude. La chanson, c'est du baccarat. Mais je sens tes pointes, le tube dans sa plume, qu'est-ce qu'il a. Trouver mon Mont Blanc dans la neige, je me suis mis au ski de fond. Ça se voit sur la neige. Faut dire qu'il fuyait ce con. J'y mettrai tout le temps, Nadège. N'oublie pas que la neige fond. N'oublie pas, Nadège, la neige. Thank you. ciel. Quelque chose dans l'air comme, quelque chose dans l'air comme, un parfum saisissant. Il y avait quelque chose dans l'air comme, quelque chose dans l'air comme, un parfum saisissant. Des souvenirs mal effacés. Un jardin rempli de lumière offrant sur une immensité. Une mélodie douce et diffuse et rythmée par des mains agiles. De partout les mots et rires, des sensations encore tactiles. Quotidien de la ville blême, disant m'éloigne de ce rêve sans trouver où la rue s'achève. Le ciel a déversé sa peine par le murmure de coups tout haut. Et sur ma tête, le vent ramène comme un chuchotement d'oiseau. L'asphalte commence à craquer. On peut balayer la poussière et s'asseoir en haut des rochers. Le thé mélange ses vers subtils au bout des rails du métro. Reposant son esprit tranquille, l'air s'emplit de parfums nouveaux. C'était Myrtille sur Arc-en-Ciel. Et une myrtille à cette saison, c'est tout à fait exceptionnel. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel à 17h, eh bien ce sera La vie comme elle va. Et oui, elle est comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Tu m'as offert ton cœur, moi je l'ai prisonnier. Tu me bornis, je te Clyde. Le coffre fort a sauté. Adélaïde, moi. Adélaïde, Adélaïde, Adélaïde, amour impossible. Adélaïde, je te retrouverai. Prolongeur et l'éphémère pour un dernier baiser. Adélaïde, Adélaïde, Adélaïde, amour impossible. Tu m'as offert ton cœur, moi je l'ai prisonnier. Tu me bonis, je te clyde, le coffre fort a sauté. Adélaïde, Adélaïde, Adélaïde, Adélaïde. la chanson française. Reste sur le plancher, tes cours d'école, fais le monde pour t'envoler. Invite l'amour à te suivre pour toit du monde, fais bouger toutes les ondes. Well, take my lips, I want to lose. understand. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with thighs that cry. So how can I go on deep without you? You took the best, so please come get a rest. So yeah, while I take all of me, well, I fell in love with you the first time I looked into their eyes. You got a cute little certain way of flirting with their eyes. They make me feel so happy, and they make me feel so blue. I'm falling and stalling in a great big way for you. Well, heart is jumping now. You started something with them, their eyes. You better watch yourself, little brown eyes, if you're wise. Because they sparkle and they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble. I'm looking for a girl with those whispering eyes. Radio Arc-en-Ciel. Qu'avons-nous entendu? Eh bien, voici quelques minutes, c'était Daguerre pour la chanson française, et puis Nolan Trio, Robin Nolan Trio, reprenant un grand succès du jazz, All of Me, avec beaucoup de brio. Vous êtes dans l'émission La musique en partage, émission créée par notre amie Valérie, qui est absente, mais que l'on va retrouver dans les semaines à venir, bien sûr. jusqu'à 17h, donc, musique variée, chansons françaises, jazz, tout ce qui fait du bien. À 17h, nous retrouverons l'équipe de La Vie Comme Elle Va. La Vie Comme Elle Va, l'émission où le livre fait son show sur la radio. L'émission où les livres, effectivement, ont la parole. Eliane, Irène et Jean-Pierre seront là et chroniqueront leurs livres favoris. Avec une petite surprise ce soir, car nous aurons une interview réalisée par Irène hier, lors de la visite de Patrick le Maître à la librairie Nouvelle d'Orléans. Et c'était vraiment très très bien. Donc, 17h-18h, La Vie Comme Elle Va, et puis à 18h, le rendez-vous, vous le connaissez, c'est celui que vous donne Violette, comme tous les mercredis, sur Radio Arc-en-Ciel, pour la musique traditionnelle, 19h, ouverture de l'agenda des sorties. Et voilà comment on passe un bon après-midi sur la belle radio. Au point de perdre haleine et bouger jusqu'au bout, m'approcher de la scène et chanter dans la foule une chanson de je t'aime oublié. Ce dit qui le matin me donne l'envie de briser ce débile de pantin, c'est la vérité. À la file mon destin passé à côté, et tiens-moi la main mon amour, tu m'as donné un petit bout de toi. Moi j'ai tout cassé, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû t'embrasser sur une coquille de noix, on aurait pu voyager. Mais le petit cheval de bois maintenant est cassé, de nos rêves garde-moi, ils ont tant changé. De nos tics, de nos biens, j'en suis prisonnier. De ce fric, son besoin, j'en suis obsédé. Être quelqu'un de bien, c'est si compliqué. C'est pourquoi j'ai besoin, besoin de danser. L'envie, l'envie de chanter. L'envie, l'envie, l'envie de danser. N'écouter que son corps et ne plus penser. Vivre sans les remords qu'on accumule. J'aurais aimé être fort, mais ça s'est raté. M'aimeras-tu encore si je suis fatigué? Dans mon coin sur leur sort, je me mets à pleurer. Pas pour rien, pour les morts des actualités. Dans mon petit confort, ma vie bien rangée, je m'endors sans effort, sans aucune fierté. C'est pourquoi dans mon corps, besoin de danser. Tout mon être fragile et l'esprit léger. Pour ce rêve si futile, l'envie de voler. Pour les trêves impossibles, pour la liberté. Oublier sa rancœur, on devrait s'aimer. Et sans peur, tout sans cœur, se mettre à chanter. Et j'y crois sans candeur quand je vais danser. C'est pourquoi on a tous besoin de danser. L'envie, l'envie de chanter. L'envie, l'envie, l'envie de danser. À avec vous de tout cœur, sans les préjugés, de tout seul à plusieurs, allons partager. Donnez-nous juste une heure, nous allons vous prouver que le bonheur simplement c'est de s'aimer. Avant de replonger, je voudrais m'élever. Quand on est si paumé, besoin de rêver, de rêver, de rêver, de chanter. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. 16h sur Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Quand il n'y a plus rien, juste l'air du temps, le dernier refrain, le sang d'une voix, l'amour imprésent qui ne rime rien. Pour changer d'accord, je chanterai plus fort pour tous ceux qui en demandent encore. Je resterai debout pour qu'il reste un peu de nous. L'histoire, un rendez-vous qui ramène à l'espoir. Un peu de nous, peut-être pour un soir ou pour toujours, j'irai jusqu'au bout pour qu'il reste un peu de nous. Si on sait parfois reconnaître une voix jusqu'au lendemain. Tout est si fragile, les notes sur un fil entre deux destins. Pour garder le nord sans changer de port, je sais bien que si on se tient la main, je resterai debout pour qu'il reste un peu de nous. Un peu de nous. Vivement vous aider, Lyon nous passé ne soit jamais brisé. Lions-nous une grande amitié. Il y a de la place, on peut cohabiter. Ta manière, la mienne, ensemble on peut échanger. Nous serons nombreux, nous cohabiterons ensemble, nous vivrons heureux, nous protégerons ensemble l'environnement si précieux. Nous sommes assez bons pour accueillir les autres, nous ferons notre possible pour être bons hôtes. Nous marcherons côte à côte, côte à côte. Faites attention à nos enfants, l'amour qu'on leur porte est aussi grand que l'océan. Nous voulons leur espérant que cette amitié ne puisse jamais se briser. Et si c'est le cas, il ne faut jamais oublier que tout peut se réparer. Bienvenue, bienvenue mon ami. Bienvenue, bienvenue mon ami. Bienvenue, bienvenue. I've been spinning round and round, round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame full of desire. Kiss me, baby, let the fire get high. Abracadabra. Abracadabra. Abracadabra. Love it, I'm loving you, I'm about to love you. I wanna reach out and grab you. Abracadabra. I wanna reach out and grab you. You make me sigh. You make me laugh, babe. You make me cry. Keep me burning for your love with a touch of velvet glove. I see the magic in your eyes. I hear the magic in your sighs. Just when I think I wanna get away, I hear those words that you always say. Abracadabra. Yeah, I wanna reach out and grab you. Abracadabra. I wanna reach out and grab ya. Never reach out and grab ya. Arc-en-ciel. C'est la chanson française. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. On les voit tous les mardis dans la rue Jules Ferry avec leur boîte à biscuits. Sans vouloir être blessant, comment vous dire monsieur, ce sont deux innocents. Personne ne connaît leur nom quand on les voit tous les deux. Ben on dit v'là les amoureux. Ils s'en vont chez Ferdinand, c'est le concessionnaire de la plage Jacques Prévert. C'est un drôle de garagiste avec le cœur sur la main, comme quoi ça existe. Ça les rend tellement heureux, ça se voit dans leurs yeux. Quand Ferdinand s'écrie, v'là les amoureux. Prête gentiment des voitures d'exposition et de fonds semblants. De s'en aller à la plage, de partir en voyage, s'évader pour de bon. Faut voir la tête qu'elle tire la fille de Ferdinand quand les clients chuchotent. V'là les amoureux. Ma femme est partie, voyez-vous, j'ai envie de s'aimer simplement. Personne ne connaît leur nom quand on les voit tous les deux. Bah on dit v'là les amoureux. Holiday. Leave it. I work on my own in a dark little room with no recollection of why or who. With an ashtray mouth and a crack on the phone, no passport, wallet or mobile phone. I had a little sniffles in the man in the sky in the hope that my mother might hear my cry. But she won't like it being on my own. But mama, mummy, mummy, I wanna come home. Sick holiday, sick holiday, sick holiday. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. On t'a fracturé le ventre, comme on brise des objets sans importance. Et depuis tu te demandes pourquoi tu restes si plus rien n'a de sens. Mais moi j'espère tellement que tu vas mieux. J'espère tellement que tu vas mieux. Donne-moi moi le signe de vie. Oh tellement j'espère tellement que tu vas mieux. Même si chaque soir à mes questions, c'est toujours toi qu'on finira par faire payer. Mais moi, j'espère tellement que tu vas mieux, même si c'est dur, même si c'est dur pour toi, juste de rester en vie. Oh tellement, j'espère tellement que tu vas mieux, même si chaque soir quand la nuit tombe. Depuis tu te demandes pourquoi tu restes si plus rien n'a de sens. Mais moi j'espère tellement que tu vas mieux. J'espère tellement que tu vas mieux. Donne-moi au moins un signe de vie. J'espère tellement que tu vas mieux, même si chaque soir quand la nuit tombe, tu pars toute seule sans faire de bruit. Mais moi, j'espère tellement que tu vas mieux, même si c'est dur, même si c'est dur pour toi, juste de rester en vie. Oh tellement, j'espère tellement que tu vas mieux, même si chaque soir quand Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. The lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt the lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa. Ah, c'est une pure merveille que cette chanson, Mona Lisa, chantée par le grand Nat King Cole. Alors, c'est une chanson que j'offre à un monsieur que vous allez retrouver demain matin sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel entre 9h et midi, et qui m'a glissé dans l'oreille comme ça, tu sais, demain JP, je vais parler de Nat King Cole. Ah ben voilà, et ben alors ça c'est drôlement bien, et il va le faire d'une façon plus originale, donc soyez bien à l'écoute demain entre 9h et midi. Ça s'appelle La Voix du Portugal et c'est animé par Arge Miro, un grand monsieur de la musique portugaise. Pour notre part, nous sommes ensemble jusqu'à 17h et on en est très content. Musique française, chansons françaises, jazz, un petit peu de tout. C'est en remplacement, bien sûr, de mon amie Valérie qui est absente et que l'on retrouvera dans les semaines à venir, ça c'est sûr. 17h, ce sera La Vie comme elle va avec Irène, Eliane et Jean-Pierre. Les livres ont la parole pendant une heure sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis à 18h, rendez-vous incontournable, celui que vous donne l'ami Violette pour traditionnel. Toutes les sorties seront dans l'agenda, présenté à 19h. Bonne fin d'après-midi à vous, les amis.

un espoir lumineux, quelques parfums d'ailleurs pour mes vieux jours heureux. Tout est là, juste là, sous tes yeux. Un coucher de soleil, un peu d'herbe à fumer, quelques amis fidèles, une poignée de projets. Ça me va comme à toi. Je travaille à l'année pour ma liberté. Et pourtant c'est si bon de penser qu'une rafale de vent c'est si bon de rêver à l'aube d'un jour passé qu'une vague au levant pourrait tout balayer, souffler, balayer, effacer, oublier cette foutue réalité. Et pourtant c'est si bon de penser qu'une rafale de vent pourrait tout emporter, pourrait nous emporter. Et pourtant c'est si bon de rêver à l'aube d'un jour passé qu'une vague ou le vent pourrait tout balayer. Et pourtant c'est si bon de penser. C'est si bon de rêver à l'aube d'un jour passé qu'une vague au levant pourrait tout balayer, souffler la réalité. Le goût de faire différent, le goût de quelque chose de grand. Je me suis jasé à moi-même, dans le miroir j'étais blême. Je me suis dit c'est aujourd'hui que ça change, c'est moi qui fais ma chance. Je me suis redressé les manches, donné un bon coup de pied au cul. Et j'ai sorti les vidanges et tout ce que je voulais plus. Donne le goût de faire des miracles, de faire des miracles. Tu me donnes le goût de faire des miracles, de faire des miracles. Ça fait que j'ai coupé ma barbe qui me descendait aux genoux. Et j'ai baigné mon panache dans le style d'un caribou. J'ai ramassé mes guenilles et fait mon baluchon. Et j'ai brisé mon cocon comme si j'étais un papillon. J'ai sauté en bas du nid pour sentir à nouveau la vie me couler dans les veines pour te conquérir, ma reine. De faire des miracles, tu me donnes le goût de faire des miracles, de faire des miracles. Même la cause la plus perdue n'est jamais perdue tant qu'on y croit. Ça dépend de quelle façon la vie on voit. Qu'il y a de la vie, tout est possible. Il n'est pas trop tard pour changer l'issue de notre sort. Tu me donnes le goût de faire des miracles, de faire des miracles. C'est pas vraiment chez moi, mon lit c'est plus un sofa. Bon ok, je squatte un peu chez la grand-mère de mon neveu, qui pète pas vraiment le feu, qui en plus me drague un peu. J'suis pas si bien sans toi, j'ai peut-être besoin de toi, dans ma maison sans toi et moi. J'suis pas si bien sans toi, j'ai peut-être besoin de toi, dans ma maison sans toi. Y'a plus de toi, de toi et moi. J'suis pas si bien sans toi, j'ai peut-être besoin de toi, dans ma maison sans toi et moi. J'suis pas si bien sans toi, j'ai peut-être besoin de toi, dans ma maison sans toi. Y'a plus de toi et moi. Arc-en-ciel. If you ever plan to go to west, travel my way, take a highway that's the best, and get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. So get your kicks on Route 66. When you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City, looks mighty pretty, you see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Keene, Foster, San Bernardino. On you get hip to this time, little tip. When you make that California trip, do you get your kicks on Route 66? Bia-ba-da, ooh-ya, bia-ba-da, ooh-y-coo, bia-ba-da, ooh-ya, bia-ba-da, ooh-y-coo, bia-ba-da, ooh-ya, bia-ba-da, ooh-y-coo, bia-ba-da, ooh-ya, bia-ba-da, ooh-y-coo, bia-ba-da, ooh-ya, bia-ba-da, ooh-y-coo, bia-ba-da, ooh-ya, bia-ba-da, ooh-y-coo. Missouri and Oklahoma City looks mighty pretty. Avez-vous réservé votre Saint-Valentin? Non? Eh bien, Radio Arc-en-Ciel organise le samedi 15 février un dîner-spectacle Saint-Valentin. Soirée fado avec le groupe de Schwarz. Menu gourmand, amuse-bouche, bacalhau au francesinha, morue ou croque gourmand. Dessert, fromage et café. Avec des tarifs très attrayants. Repas spectacle adhérent, 25 euros. Repas spectacle non adhérent, 27 euros. Menu enfant de moins de 12 ans, 10 euros. Boisson non incluse. Et à partir de 23 heures, un bal animé par le duo 25 avril. C'est gratuit, et oui, c'est gratuit pour nos adhérents. Non adhérents, 5 euros. Sous réservation avant le 10 février 2020 au 06 79 08 42 05 ou au 06 51 65 22 21. Réservez vite, en famille, en amoureux